Jeanne, hérétique, sorcière, relapse, ennemie de Dieu, ennemie du roi, ennemie du peuple, qu'on l'emmène, qu'on la tue, qu'on la brûle. Hérétique, sorcière, relapse, frère Dominique, tout cela c'est Jeanne d'Arc? Est-ce vrai? Est-ce moi qui suis tout cela? Et quoi? Ces prêtres que j'ai vénérés, ce pauvre peuple que j'ai aimé, leur Jeanne, leur pauvre enfant avec eux, c'est vrai qu'ils veulent la brûler, c'est vrai qu'ils veulent me brûler vivre? Tu as entendu les voix du ciel? Écoute à présent en bas ce qu'ils en ont fait, écoute ce qu'ils en ont retenu, écoute les voix de la terre! Spiritum Titonis habens, anima tue declinaverit ad magos et ariolos, et fornicat ad meritum meis. Ponam, facia meam contraea, et intervicia meam de medio populi mei. Jeanne, comme jadis ses sœurs dans la reine de Rome, soit livrée aux bêtes. L'élu de Dieu, la sainte de Dieu, ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des hommes, ce sont des bêtes qui vont la juger.